بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، فبيانفنو أنو فخيغا au centre Furqan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous fasse sortir, ainsi que ceux qui nous écoutent, des pays de mécréance, qu'il vous facilite votre hijra vers les pays de l'islam. Et louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a comblés de cette assise pour se rappeler mutuellement ce qui sera bénéfique pour nous dans notre religion. Il a assis et consacré un passage du livre de Cheikh Dr. Khalid Dufair, Hafidhahullah Ta'ala, dont le titre en arabe est Silwan Salafi inda Kaydi al-Khalafi, la consolation du Salafi au moment des ruses ou de la machination du Khalafi. Et le Khalafi, c'est le contraire du Salafi. Le Salafi, celui qui a pris la voie de ses pieux prédécesseurs, d'Allah alayhim. Et le Khalafi, c'est celui qui a dévié de cette voie, qui a donné le dos à cette voie. Nous allons prendre le troisième chapitre, en deux fois, Inch'Allah, le troisième chapitre de cette Risala. Et le troisième chapitre, il est intitulé « Dammut talawuni wa adamut thabat ». Le blâme du fait, le blâme de la versatilité et de l'inconstance dans la religion. Autrement dit, il ne faut pas être un caméléon dans sa religion, il faut rester ferme dans la religion d'Allah et sur la voie de ses prédécesseurs d'Allah alayhim. Qala Dr. Khalid Hafidhahullah Ta'ala, inna min a'zami simati ahli sunnah wal jama'a al-thabatu ala al-din. وعدم التلون بحسب الأهواء والمصالح والعقول، وذلك لأنهم يقيمون دينهم واعتقادهم على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سار على دربهم واقتفى أثرهم، فهم يعبدون ربا واحدا ويسلكون دربا واحدا ويسيرون على منهج وعقيدة واحدة، فلا يجد التلون إليهم طريقا ولا التذبذب إليهم سبيلا. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, que fait partie des grandes caractéristiques des gens de la Sunna et des gens de l'unité de la Sunna, autrement dit, des gens de la voie salafie, la fermeté et la constance dans la religion, et la non-versalité selon les passions et les intérêts et les raisons. Autrement dit, il ne faut pas jouer les caméléons dans sa religion. Car les gens de la Sunna basent leur religion et leur croyance sur le livre d'Allah, la Sunna de son prophète alayhi salam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, les compagnons et leurs successeurs, et ceux qui les suivent à la perfection. Ils adorent un seul souverain, subhanahu wa ta'ala. Ils sont sur une voie unique. Et sur une voie et une aqida unique. La versatilité ne peut pas s'immiscer dans leur esprit, ni l'hésitation non plus. قال حفظه الله لذلك أمر الله عباده بطلب الاستقامة وسلوك صراطها فقال اهدنا الصراط المستقيم. ولما كان الثبات من الله تعالى توجه العباد إليه بطلب ذلك. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Il dit, حفظه الله تعالى, c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses soumis de lui demander la droiture et la constance, et la constance est d'être sur la voie droite. Et il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, c'est guide-nous sur la voie droite. et vu que la constance et la fermeté viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, les soumis se sont tournés vers Allah subhanahu wa ta'ala pour la lui demander. Et il est dit dans le verset qui prouve que la constance vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est dit dans la traduction approximative du sens de ce verset, Allah a fermé les croyants par une parole ferme, dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes. Et Allah fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Et donc la voie droite, nous devons la demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Il aura la réussite, il sera accompli, celui, et la personne sera accomplie sur cette voie droite, si Allah subhanahu wa ta'ala le lui octroie. Et si la personne doit souvent et tout le temps s'orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala pour la lui demander, pour la raffermir. Et comme disent les hommes de science, guide-nous sur la voie droite, ici la personne demande deux sortes de guidés. La guidée orientation, qui sont les éclaircissements sur cette voie pour la connaître, et le raffermissement sur cette voie. Parce que c'est seul Allah subhanahu wa ta'ala qui peut raffermir la personne. Mais ici, un point très important, c'est que quand on fait ce dua, les dua, on a besoin de ramener les quoi? Les moyens et les causes pour qu'ils soient exaucés. Quelqu'un qui dit « guide-nous sur la voie droite », et en sortant de sa prière, il se penche sur les livres de Sayyid Qutb. Comment il peut arriver à la voie droite? Ou il se penche sur les écrits d'Ubroq, ou là, de Vajrabi, ou là, je ne sais pas, parmi les éclatés. Comment il peut y arriver? Impossible qu'il y arrive. Il y a aussi de notre part le fait de, quand on veut cette voie droite, on s'oriente et on va la chercher là où il est. Là où il est dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam, selon la voie et la compréhension de nos plus prédécesseurs d'Allah, alayhi. Et aussi, en se penchant sur les livres de ceux qui sont dignes de cette voie, sur laquelle était le messager, alayhi salatu wasalam, et ses nobles compagnons. Sinon, on va dévier. Sinon, on va en sortir. Et on ne sera pas stable dans cette voie. Et tout ce qui joue au chameleon dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est que, ils ne vont pas chercher la guidance dans là où il est. Ils ne vont pas chercher la vraie voie dans là, dans sa source, où il continue. قال حفظه الله تعالى وأخبر الله أهل الإيمان بقصص الأولين ليثبت أهل الإيمان على إيمانهم وأصحاب السنة على سنتهم. قال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. Et الله a annoncé aux gens de la foi, à l'iman, aux croyants, les histoires des premières communautés. Pourquoi? Pour raffermir les gens de la foi dans leur foi et les gens de la sunna dans leur sunna. Ces histoires sont là pour les raffermir. Allah a dit dans cette traduction approximative du sens du verset, et tout ce que nous te racontons des récits des messagers, c'est pour raffermir ton cœur, et de ceci t'est venue la vérité, ainsi qu'une exhortation et un rappel aux croyants. Donc quand on est en face de ces récits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte dans le Coran concernant les autres communautés, c'est pour prendre la leçon, pour ne pas tomber dans le même chemin dans lequel ils sont tombés. وقال حفظه الله تعالى وقد ذم الله تعالى أهل التلون في الدين والمتقلبين بحسب أهوائهم وآرائهم فكل يوم على مذهب وكل حين بدين ورأي غير ما كانوا يعتقدون حتى أصبحوا كمن يعبد الله تعالى على الحافة فأي فتنة جاءتهم أسقطتهم على وجوههم في هوة الضلال ووديان الهوى والانحراف. إذ حفظه الله تعالى Allah a blâmé ceux qui font les caméléons dans la religion et ceux qui changent de bord dans la religion selon leurs passions et selon leurs opinions. Chaque jour, ils sont dans une tendance et à chaque instant, ils ont une opinion différente, ils sont sur une religion différente. Et à chaque instant, ils ont des opinions qu'ils auxquels ils ne croyaient pas auparavant, à tel point qu'ils sont devenus comme celui qui adore Allah sur un bord glissant. Chaque sédition qui voit le jour les fait tomber sur leur face dans le gouffre de l'égarement et dans les rivières des passions et de la déviance. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وأخبر في كتابه بخسران المنقلب على وجهه عند الفتنة الذي يعبد الله فيها على حرف وهو الجانب والطرف الذي لا يستقر من هو عليه بل لا يثبت الإيمان إلا عند وجود ما يهواه من خير من خير الدنيا كما جاء في المجموع. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أزيد المجموع Allah a annoncé dans son livre la perte de celui qui versatilise et qui fait le caméléon dans sa religion et qui tombe dans chaque fitna sur sa face. Celui-là, comme il a dit, rahimahullah, celui-là, c'est comme celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala sur un bord glissant, sur lequel il ne peut pas avoir la stabilité. Il ne serait pas constant et ferme dans sa foi, sauf au moment de trouver ce qui convient à ses passions et ce qui convient à ses intérêts mondains. Fin de citation du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Qala Cheikh Khalid yushiru ila qawlihi ta'ala ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. قال السعدي رحمه الله أي ومن الناس من هو ضعيف الإيمان لم يدخل الإيمان قلبه ولم تخالط بشاشته بل دخل فيه إما خوفا وإما عادة على وجه لا يثبت عند المحن انتهى كلامه رحمه الله تعالى وغفر له. Cheikh Khalid de dire que Cheikh l'Islam ici fait allusion au verset qui dit, dans la traduction approximative du sens du verset, il en est des gens qui adorent Allah marginalement ou d'une façon indécise. S'il leur arrive un bien, ils sont dans la quiétude. Et s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage, perdant ainsi le bien de ce bas monde et le bien de l'au-delà. Telle est la perte évidente. Sa'di rahimahullah, comme montant ce verset, a dit, il y a des gens qui sont faibles au niveau de la foi. La foi n'a pas pénétré leur cœur. L'iman n'y a pas laissé sa trace. Soit ils ont cru par peur, soit par coutume, d'une façon qui ne peut pas donner au cœur le raffermissement au moment de l'épreuve et ne peut pas donner à la personne la constance dans la foi. يقول الشيخ خالد فمن ترك الكتاب والسنة وترك التوكل على الله واعتمد على عقله ورأيه فلا شك بضلاله وعدم ثباته على الحق والسنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما جاء في درء التعارض ولهذا تجد من تعود معارضة الشرع بالرأي لا يستقر في قلبه الإيمان. شيخ خالد رحمه الله حفظه الله dit celui qui délaisse le livre et la sunna et délaisse la confiance en Allah et se base sur sa raison et son opinion, il n'y a aucun doute sur son égarement comme il n'y a aucun doute sur son inconstance dont sur la vérité et sur la sunna. Il cite les paroles de Cheikh l'Islam, le Taymiyyah rahmatullah alayh, dans Ta'arud. Cheikh l'Islam dit, c'est pour ça que ceux qui s'opposent à la législation avec l'opinion, la foi ne se stabilise pas dans leur cœur. Fin de citation. يقول حفظه الله فعلى العبد أن يكون ثابتا على دينه ولا يكون كمن ذمه الله من المذبذبين. قال تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قال الطبري رحمه الله: وإنما عنى الله بذلك أن المنافقين متحيرون في دينهم، لا يرجعون إلى اعتقاد شيء على صحة، فهم لا مع المؤمنين على بصيرة ولا مع المشركين على جهالة، ولكنهم حيارى بين ذلك. فمثلهم المثل الذي ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام مسلم. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائلة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. إيش خالد دودير؟ Il incombe au serviteur d'être constant dans sa religion et qu'il ne soit pas parmi les indicis. Et qu'il ne soit pas parmi les indicis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset cité ici, ils sont indicis. Ça veut dire ils sont entre les croyants et les mécréants. Ils sont indicis, n'appartenant ni aux uns ni aux autres. Or, quiconque qu'Allah égare, tu ne trouveras pas de chemin pour lui. Tabari rahimahullah a dit, concernant ce verset, Allah a désigné par cela les hypocrites qui sont indicis dans leur religion. Ils ne croient pas en quelque chose comme il se doit. Ils ne sont pas dans la clairvoyance avec les croyants, ni avec les polythéistes dans leur ignorance. Ils sont perplexes entre les deux et ils sont dans une complète incertitude. Leur exemple, c'est l'exemple qu'on a fait le messager alayhi salatu wassalam. Dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, le hadith d'Abdullah ibn Omar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, qui a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'exemple de l'hypocrite, c'est comme la brebis qui se déplace d'un troupeau à un autre, une fois avec ce troupeau et une autre fois avec l'autre. قال الإمام ابن بطة رحمه الله معلقا على هذا الحديث: كثر هذا الضرب من الناس في زماننا هذا، لا كترهم الله، وسلمنا وإياكم من شر المنافقين وكيد الباغين، ولا جعلنا وإياكم من اللاعبين بالدين ولا من الذين استهوتهم الشياطين فارتدوا ناكصين وساروا حائرين الإبانة. Et Ibn Battah dans l'Ibana, rahimahullah, commentant ce hadith du messager alayhi salatu wassalam, qu'a cité Tabari au moment de l'interprétation de ce verset, il dit, hafidhahullah, cette catégorie de gens a augmenté de nos jours qu'Allah les fasse diminuer. Lui, il le dit à son époque. Que devons-nous dire à notre époque? Et surtout, dans la fitna dans laquelle nous sommes actuellement. Et qu'Allah, Ibn Battah dit, qu'Allah nous préserve ainsi que vous du mal des hypocrites et de la machination de ceux qui dépassent les limites, et qu'Allah fasse que nous ne soyons pas du nombre de ceux qui jouent avec la religion et de ceux qui sont accaparés par Shaitan et ils se sont acculés en arrière et sont devenus indécis. Fin de citation de Ibn Battah rahimahullah. يقول الشيخ الضفير حفظه الله: وأهل البدع كثير منهم يدخل في أهل النفاق والعياذ بالله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وعامة ما يوجد النفاق في أهل البدع كما جاء في بغية المرتاد. الشيخ خالد دودير: beaucoup parmi les gens de l'innovation sont du nombre des hypocrites. Qu'Allah nous en préserve. Cheikh al-Islam dans بغية المرتاد a dit, en général, l'hypocrisie est chez les gens de l'innovation. يقول الشيخ خالد: ولخطورة التلون وعدم الثبات على الدين جاءت آثار كثيرة عن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في ذم التلون في الدين والتنقل بين الأهواء وعدم الثبات على السنة والحق، وجعلوا ذلك من أعظم علامات أهل الأهواء والبدع، بل واقع أهل البدع وتاريخهم يثبت حيرتهم وتقلبهم بين الأهواء بحسب المصالح والأغراض وباختلاف العقول والأهواء. شيخ خالد حفظه الله تعالى دي vu le danger de la versatilité et de l'inconstance dans la religion, il a été rapporté beaucoup de paroles et beaucoup de textes de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, les compagnons et leurs successeurs et ceux après eux qui ont suivi leur chemin, concernant ces textes concernent le blâme de la versatilité dans la religion et contre le fait de se déplacer entre les passions et contre l'inconstance sur la sunna et la vérité. Ils ont désigné cela comme l'un des grands signes des gens des passions et de l'innovation. Certes, l'histoire et la situation des gens de l'innovation prouvent leur indécision et leur déplacement entre les passions selon les intérêts, selon la différence des raisons et des passions et des intérêts. دخل أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه على حذيفة رضي الله عنه فقال أوصنا يا أبا عبد الله. فقال حذيفة أما جاءك اليقين؟ قال بلى وربي. قال فإن الضلالة حق الضلالة أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم وإياك والتلون في والتلون فإن دين الله واحد. رواه عبد الرزاق في المصنف رحمه الله تعالى واللالكائي في السنة وابن بطة في الإبانة وغيرهم رحمة الله على أئمة المسلمين. أبو مسعود رضي الله عنه وارضاه أبو مسعود الأنصاري كالله سبحانه وتعالى لقري يغنطخي الشيء أبو حذيفة رضي الله عنه وارضاه لوم دي سكري دي بروت عليه الصلاة والسلام il lui a dit conseillez-nous. Donnons un conseil à Abu Abdillah. Abu Hudayfa lui a dit, est-ce que tu n'as pas la certitude? Ça veut dire que tu n'as pas la certitude sur la voie sur laquelle tu es et dans la religion dans laquelle tu es. Abu Mas'ud lui a dit, certes, par mon souverain, j'ai la certitude sur ma religion. Abu Hudayfa lui a dit, la vérité de l'égarement, c'est que tu optes aujourd'hui pour ce que tu as rejeté hier et que tu rejettes aujourd'hui, les choses pour lesquelles tu as opté hier. Attention à la versatilité dans la religion, car la religion d'Allah est unique. Regarde, attention au fait de changer d'opinion ou de croyance ou de position comme ça en suivant les passions. Et regarde, c'est à quelle époque il lui demande. C'est un compagnon qui demande à notre compagnon. Donc c'est encore les meilleures générations. On est toujours dans le temps des meilleures générations à cette époque-là. Hein? Il regarde, il lui a dit, la vérité de l'égarement, c'est le fait de changer de position. Les choses que tu rejetais auparavant, tu les reconnais. Hein? Et ça, c'est très dangereux. Et regarde, la fitna dans laquelle on est maintenant, des gens qui étaient considérés comme hein, des grands fatanines sont devenus les plus rapprochés de certains, sans qu'il y ait de repentir, sans qu'il y ait hein, d'éclaircissement sur leur situation, ni quoi que ce soit. Donc ça veut dire que la fitna ne peut, n'épargne personne. Hein, sera épargné de la fitna et des séditions et du trouble et de l'indécision celui que Allah subhanahu wa ta'ala aura protégé. D'où qu'il est de notre devoir toujours d'insister de notre demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver des fitanes apparentes et cachées. Parce que c'est le seul protecteur, c'est le seul qui guide. Si tu as accompli dans la bonne voie et que tu hein, es dans la bonne voie, sache que ceci, ce n'est pas par ta force. Ce n'est par la force de personne. Que ceci, c'est un bien que Allah subhanahu wa ta'ala comble qui il veut subhanahu wa ta'ala avec. Et que c'est quelque chose qu'il faut constamment insister على دموند الله سبحانه وتعالى. وفي لفظ أن أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه جاء إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال أخبرنا بأمر نأخذ به بعدك. فقال حذيفة رضي الله عنه إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، فانظر إلى الذي أنت عليه اليوم فتمسك به فإنه لا يضرك فتنة بعد. رواه أبو نعيم في كتاب الفتن. أبو نعيم رحمه الله rapporte une autre expression d'Abu Mas'ud al-Ansari et une autre version que Abu Mas'ud al-Ansari, que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous, est venu voir Hudayfa ibn al-Yaman et lui a dit annonce-nous quelque chose que nous mettrons en application après toi. Hudayfa radiyallahu anhu wa arda lui a dit certes, la réalité de l'égarement, c'est que tu optes pour ce que tu rejettes auparavant et que tu rejettes ce que tu connaissais et que tu mettais en application auparavant. Regarde la voie sur laquelle tu es aujourd'hui et reste dessus. Aucune fitna ne te fera du mal. C'est-à-dire, si tu restes sur la voie sur laquelle tu es, et à cette époque, c'est une meilleure époque. Si tu restes sur la voie sur laquelle tu es, aucune fitna va te toucher. Maintenant, nous qui demandons dans chacune de nos prières, guide-nous sur la voie droite, si on connaît cette voie, nous devons nous y cramponner, rester dessus, et rester derrière les emblèmes de la science et les grands hommes de science de cette voie, et ne pas sortir de leurs orientations, de leurs conseils, pour ne pas tomber dans la déviance et dans l'égarement, et pour ne pas tomber dans le filet des perturbateurs, et pour ne pas tomber dans l'indécision et dans l'inconstance, et pour éviter de tomber, de jouer les caméléons dans notre religion. وعن حذيفة رضي الله عنه قال إن الفتنة تعرض على القلوب فأي قلب نشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب ننكرها نكتت فيه نكتة بيضاء فمن أحب منكم أن يعلم أن أصابته الفتنة أم لا فلينظر فإن رأى حلالا كان يراه حراما أو حراما كان يراه حلالا فقد أصابته. رواه ابن أبي شيبة في المصنف والحاكم وابن عساكر في تاريخ دمشق. حذيفة رحمه الله تعالى لوسكي رابورت par ابن عساكر et par ابن أبي شيبة et par الحاكم رحمة الله عليهم جميعا a dit la fitna s'expose au cœur et tout cœur qui en sera imbibé, la fitna y laissera un point noir. Et tout cœur qui l'aura rejeté, il y laissera un point blanc. Celui qui aimerait parmi vous savoir s'il est atteint par la fitna ou pas, il regarde. Qu'il regarde, c'est quelque chose qu'il prenait pour halal avant. Maintenant, il l'apprend qu'en haram ou l'inverse, c'est que la fitna l'a atteint. C'est que la fitna l'a atteint. La Hudayfa ibn al-Yaman nous donne un baromètre. Quelque chose, tu vois qu'il est mauvaise. Hier et aujourd'hui, tu l'as mis en application, ça veut dire que tu es tombé dedans. Et quelque chose qui était bonne et que tu vois mauvaise maintenant ou l'inverse, et que, ça veut dire que la fitna t'a atteint. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de stabilité dans ta position. Il n'y a pas eu de stabilité dans ta voix. Donc il faut rester stable sur la vérité sur laquelle tu es. Et tu ne dois pas te faire ébranler par n'importe quel vent qui arrive. Et par n'importe quelle ambiguïté qui est lancée. Abadan, tu restes toujours sur le fondement, sur la base que tu as appris de par les paroles des hommes de science et les orientations des hommes de science. Ne dévie pas de ça, reste toujours dessus. Car ça, c'est hein, la réalité et le vrai que tu as eu, va pas le changer avec n'importe quoi. Va pas le changer n'importe comment. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال إنكم لن تزالوا بخير ما لم تعرفوا ما كنتم تنكرون وتنكروا ما كنتم تعرفون وما دام عالمكم يتكلم بينكم غير خائف رواه ابن بطة في الإبانة وابن عساكر في تاريخ دمشق ابن بطة رحمه الله ainsi que ابن عساكر rapporte de Udayy ibn Hatim qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous, a dit: vous serez toujours dans le bien tant que vous ne reconnaissez pas ce que vous rejetiez hier, et tant que vous ne rejetiez pas ce que vous reconnaissez hier, et tant que votre savant part sans avoir peur. Donc c'est encore un baromètre de la part de ce noble compagnon radiyallahu anhu arda. Il ressemble au même baromètre qu'avait dit Hudayfa radiyallahu anhu arda. Pourquoi? Parce que leur source elle est identique. C'est la même. Tu ne peux atteindre par la, tu ne peux être atteint par la fitna que si tu versatilises dans ta religion. Et que tu changes de bord et que tu es indécis et tu es tombé dans l'hésitation. Donc les choses qui, que tu rejetais hier, tu restes dessus. Les choses que tu reconnaissais, que tu mettais en application, tu mords dessus. Jusqu'à ce qu'il arrive une certitude. Une certitude venant du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète, selon la voie et la compréhension du plus prédécesseur d'Allah, et pour nous, dans notre monde contemporain, selon les éclaircissements aussi de nos grands hommes de science, de ceux qui portent l'étendard de la défense de cette voie. C'est l'imam, l'érudit Cheikh Rabi', Cheikh Ubaid, et Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Huzayn, et tous ces grands hommes de science. Ne devons pas dévier de leur voie. Nous devons rester derrière eux pour être protégés. Notre suivi pour eux, se fait dans le suivi de la parole d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète, alayhi salam. وسئل محمد بن كعب القرظي رحمه الله قال قيل له ما علامة الخذلان قال أن يستقبح الرجل ما كان يستحسن ويستحسن ما كان قبيحا وهذا رواه أبو نعيم في الحلية وابن عساكر في تاريخ دمشق اي كم لو رابورت أبو نعيم دون الحلية ابن عساكر دون الاستوار دو دماس دو محمد بن كعب القرظي qui a été questionné, cette question. C'est quoi le signe du khudlan? Le khudlan, c'est qu'on te pousse à faiblir. C'est une quelque sorte, d'être makhdoul, tomber dans la faiblesse. Il a dit, c'est que l'homme prend pour mauvais ce qu'il voyait bon, et bon ce qu'il voyait mauvais. C'est-à-dire qu'il change, qu'il joue au caméléon. Sans preuve et sans argumentation. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل وهذا رواه الدارمي وابن بطة والأجر في الشريعة. Et dans ce qui est rapporté par Darimi, ainsi que Ibn Battah, ainsi que l'Ajuri, de Omar ibn Abd al-Aziz, rahimahullah. Omar ibn Abd al-Aziz a dit, celui qui expose sa religion aux polémiques tombera dans la versatilité et fera le caméléon dans sa religion. Il fera le caméléon dans sa religion. C'est pour ça que, de tout temps, les hommes de science interdisent le fait de polémiquer dans la religion. Parce que ça amène des ambiguïtés. Tu vas te retrouver avec quelqu'un qui est un nid d'ambiguïté, qui est très fort dans la polémique. Il va te balayer en deux-deux. Il va te jeter une ruche d'ambiguïté, de laquelle tu ne peux plus en sortir. C'est pour ça que la polémique dans la religion, il faut s'en éloigner. Il faut s'en éloigner d'autant plus quand on est débutant dans la science. Quand on commence à apprendre sa religion, il faut s'en éloigner pour épargner sa religion. Parce que la sécurité, être dans une sécurité dans sa religion, n'a pas d'égal. Et mettre sa religion et la sécurité de sa religion en danger, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est pour ça qu'il faut y faire très attention. Et que je regarde avec qui je parle, qu'est-ce qu'il dit, etc. S'il est clair, il est clair. S'il n'est pas clair, je m'en éloigne. Parce que il en va du fait de sauver ma religion et de sauver mon esprit pour qu'il ne soit pas perturbé et de sauver mon cœur des ambiguïtés et des tendances déviantes. Il en est de même pour nos enfants. Quand l'instituteur ou l'institutrice est sur une tendance déviante pour des idées qui ne sont pas conformes au livre et à la sunna et à la voie du pieux précédent, nous devons y faire attention. Parce que c'est notre responsabilité et Allah nous demandera des comptes dessus. On ne doit pas donner nos enfants à n'importe qui. On ne doit pas les donner parce que c'est une responsabilité. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ou il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, ou vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que ceux qui sont sous votre responsabilité du feu de l'enfer. Ceux qui sont sous notre responsabilité, nos femmes, nos enfants. Et donc, il faut les préserver avec une bonne éducation. Et quand on les donne à quelqu'un pour leur enseigner quelque chose, on s'assure de la aqida de la personne et de la voix de la personne. Et comme quoi la personne ne porte pas d'ambiguïté et qu'il ne va pas être un préjudice et qu'il ne va pas immiscer dans l'esprit de nos enfants des choses qui ne conviennent pas au livre et à la sunna et à la voix de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Il faut qu'on s'acquitte de nos responsabilités comme il se doit. Parce que demain est proche et nous devons répondre à nos responsabilités devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne faut pas vendre le précieux qui n'a pas de prix chez Allah subhanahu wa ta'ala par le vil. Et par le plus bas. Et par, mais, c'est ce « ouais, mais » qui a fait que beaucoup parmi nous se perdent sur le chemin, beaucoup parmi nous tombent dans les ambiguïtés, beaucoup parmi nous se trouvent soit avec des groupes éclatés et ainsi de suite. « وعن إبراهيم النخعي رحمه الله قال كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله » كانوا يرون التنقل في الدين من شك القلوب في الله رواه ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة et dans ce qui est rapporté par ابن بطة dans l'Ibanة Ibrahim al-Nakhai رحمه الله تعالى il a dit qu'il voyait, c'est-à-dire salaf voyait la versatilité dans la religion comme un doute dans les cœurs sur Allah. Ça c'est la parole de qui? C'est la parole de ceux qui ont été éduqués par les nobles compagnons. Que c'est des gens qui ont eu l'interprétation du Coran et de la Sunna directement de ceux qui l'ont eu du messager alayhi salatu salam. Ils ne parlent pas du vide. Innakhari, c'est un grand homme de science, une montagne de son époque. Il dit, voyez que le fait de jouer au chameleon dans la religion, c'est le doute sur Allah subhanahu wa ta'ala dans les cœurs. Wa qala Malik rahimahullah, adda'u al-'udal at-tanaqqul fi ad-din. Wa qala rajul ma kunta la'iban bihi fala tal'aban bi dinik. Rawahu Ibn Battah rahimahullah ta'ala. Et Ibn Battah de rapporter de Malik rahimahullah ta'ala, il a dit, la gangrène, c'est la versatilité dans la religion. La grande maladie, Le concert, c'est faire le caméléon dans la religion. Et il a dit, un homme a dit, Malik a dit, un homme a dit, si tu veux jouer, ne joue pas avec ta religion. Tu veux jouer, il ne faut pas jouer avec ta religion. Hein? Wa an ma'an ibn Isa قال انصرف مالك وعن معن بن عيسى قال انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي وهو متكئ على يدي قال فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية كان يتهم بالإرجاء فقال يا أبا عبد الله كنية الإمام مالك أبا عبد الله فقال يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي قال فإن غلبتني قال فإن غلبتني فإن غلبتك اتبعتني قال فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا قال نتبعه فقال مالك يا عبد الله بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد وأراك تنتقل من دين إلى دين وأراك تنتقل من دين إلى دين. Mais dites maintenant ces grands imams comment ils étaient quand les polémiqueurs veulent polémiquer avec eux alors qu'ils ont ces des montagnes de science, c'est des références de la communauté. Hein? Regarde comment leur position dans ces cas-là et comment ils sont et qu'on voit. Ce sont nos modèles qu'il faut suivre. Suivre leurs modèles, leur façon de faire, etc. Hein? Bah, regarde comment il était l'imam Malik, rahimahullah. Ibn Battah, rahimahullah, a rapporté dans l'Ibana de Ma'an ibn Isa qui a dit un jour, Anas ibn Malik est parti de la mosquée en étant appuyé sur ma main. Et un homme qui s'appelait Abu al-Juwayriya l'a rejoint. Et ce Abu al-Juwayriya était accusé d'être dans l'irja. L'irja, c'est le fait de ne pas faire rentrer les actes dans la composition de la foi. C'est le fait de se limiter à la croyance et à la parole au niveau de la définition de la foi et que les actes ne font pas partie de la foi. Ce Abu al-Juwayriya était accusé de ça. Il était accusé comme quoi c'était un homme qui a du irja. Et il s'est rapproché, Abu al-Juwayriya s'est rapproché de l'imam Malik et lui a dit, oh Abu Abdillah, écoute-moi, je vais te parler, te citer mes arguments et te faire savoir mon opinion et débattre avec toi et te faire voir mon opinion et mes arguments. Imam Malik, rahimahullah, a dit, si tu me bats, si tu me bats, qu'est-ce qui va arriver? Supposons que je m'assois avec toi et je t'écoute. Et si tu me bats, il arrive quoi? Il a dit, si je te bats, tu me suis. Imam Malik, rahimahullah, lui a dit, et si un autre homme arrive, il nous parle, il polémique avec nous, il présente ses arguments et ainsi de suite, hein? Il nous bat, qu'est-ce que nous devons faire? Abu al-Juwayriya a dit, nous le suivrons. Hein? Eh bien, s'il nous bat, on le suit. Malik lui a dit, rahimahullah, wa ghafara lah, wa askanahu fasiha jannati. Oh Abdullah, Allah a envoyé Muhammad avec une seule religion. Et je vois que tu versatilises d'une religion à une autre. C'est-à-dire d'une position à une autre. Tu vas changer tout le temps. Hein? Aujourd'hui, tu débats avec moi et je te vainc, tu me suis. Demain, il y a un autre qui arrive, il va débattre avec nous et il va nous vaincre et nous allons le suivre. Alors qu'Allah, il a envoyé Muhammad alayhi salam avec une seule voix, une seule religion et il lui a dit, je vois que tu changes. Hein? D'un bord à un autre. Regardez la leçon à retenir de des paroles de l'imam Malik et comment il a agi avec celui qui vient pour lui faire perdre du temps d'une part et qui est hésitant dans ça, dans ses positions. Hein? Et c'est ainsi que nous devons agir. Parce que c'est la voie que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dans chacune de nos prières, c'est d'être sur le chemin de ceux qui suivent, hein, les compagnons, et ceux qui les suivent à la perfection. Hein? Et c'est Sirat al-Mustaqim, la voie droite, agréée min Allah azza wa jal. وعن هشام بن حسان قال جاء رجل إلى الحسن فقال يا أبا سعيد تعال حتى أخاصمك في الدين فقال الحسن أما أنا فقد أبصرت ديني فإن كنت أضللت دينك فالتمسه رواه ابن بطة في الإبانة يكوت منتنو الحسن البصري رحمه الله dans ce qui est rapporté par Ibn Battah dans l'Ibana, rahmatullahi ala immati al-muslimin. Il le rapporte de Hisham ibn Hussan, qui a dit, un homme est venu voir al-Hassan al-Basri, rahimahullah. Il lui a dit, ya Aba Saïd, viens que je polémique avec toi sur la religion. Viens que je polémique avec toi sur la religion. Et que je débat avec toi sur la religion. Al-Hassan, rahimahullah, a dit, quant à moi, j'ai la clairvoyance sur ma religion. Si tu as égaré la tienne, va la chercher. C'est-à-dire, va la chercher ailleurs, loin de moi. Si tu as égaré la tienne, va la chercher. Mais moi, j'ai la clairvoyance sur hein, ma religion. Et quand tu as la certitude sur ta voie, la même chose. Bien que je te dise, il y a des preuves, il y a des paroles, il y a ceci, il y a cela. Khlas, akhi. Moi, j'ai une clairvoyance sur la voie sur laquelle je suis. Laisse-moi tranquille. Si tu n'as pas de clairvoyance sur la voie de tes pieds près du serviteur d'Allah, va la chercher toi ailleurs. Et ne joue pas avec ta religion. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى قد ذكرت هذا الباب في كتاب الفتن في أحاديث كثيرة وقد ذكرتها هنا طرفا منها ليكون المؤمن العاقل يحتاط لدينه فإن الفتن على وجوه كثيرة وقد مضى منها فتن عظيمة نجا منها أقوام وهلك فيها أقوام باتباعهم الهوى وإيثارهم للدنيا فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الدعاء والتجأ إلى مولاه الكريم وخاف على دينه وحفظ لسانه وعرف زمانه ولزم المحجة الواضحة السواد الأعظم ولم يتلون في دينه وعبد ربه تعالى فترك الخوض في الفتنة فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو محذر أمته الفتن قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. الأجر dans son livre Sharia a dit, j'ai cité dans le livre des fitan beaucoup de hadiths, c'est-à-dire beaucoup de hadiths concernant les fitan. Ici, j'en cite une partie, c'est-à-dire dans son livre Sharia, j'en cite une partie. Pour que le croyant éveillé, le croyant doué de raison, fasse attention à sa religion. Les fitanes ont beaucoup d'aspects. Beaucoup de grands fitanes sont passés. Certaines personnes ont été sauvées, épargnées de ces fitanes, et d'autres ont péri dedans. Ont péri dedans par leur suivi des passions, et par leur préférence de ce bas monde. Celui à qui Allah veut le bien, il lui ouvre la porte du dua. Il s'oriente vers son souverain. Il s'oriente vers son généreux souverain, subhanahu wa ta'ala, en ayant peur pour sa religion et en préservant sa langue, tout en ayant connaissance de son époque et tout en restant cramponné à la voie claire des compagnons. Il ne versatilise pas dans sa religion et il accomplit l'adoration de son souverain, il ne rentre pas dans les séditions, car les séditions dévoilent beaucoup de personnes. N'as-tu pas entendu la parole du prophète alayhi salam avertissant sa communauté contre le fitan? Il a dit, il hadith chez l'imam muslim rahimahullah ta'ala wa ghafara lah, arrive le matin l'homme est croyant, et arrive le soir il devient mécréant, arrive le soir il est croyant, et le matin il est mécréant. Tout est, hein, ça change très vite. Les cœurs, comme il a dit, comme nous a annoncé le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, sont entre eux, les cœurs de tous, de toutes les créatures sont entre eux, les mains, entre deux doigts du Créateur subhanahu wa ta'ala. Il les tourne comme il veut. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, « Oh toi, ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana, ala dinik. »« Oh toi, qui tourne les cœurs, raffermis le cœur, sur ta religion et dans ta religion. » Donc sera sauvé celui que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, fait sauver. Wa naqala ibn Muflih fi al-adab al-shar'iyya an Abi al-Wafa ibn Aqil fi al-funun qawluhu man sadara i'tiqadu an burhanin lam yabqa 'indahu talawun yura'i bihi ahwal ar-rijal. Wa hadha dhakara ibn Muflih fi al-adab al-shar'iyya. Et Ibn Muflih dans l'Adab Sharia rapporte la parole de Abi al-Wafa Ibn Aqil dans son livre Al-Funun. Il dit, celui qui base sa croyance sur la preuve, il lui reste plus de versatilité pour faire attention aux positions des gens. Celui qui a, hein, basé ses croyances sur quelque chose de solide, sur des preuves irréfutables, il fait pas attention, hein, aux gens qui jouent au camélion. Il est dans une certitude. Il en sera, il sera protégé, hein, par Allah subhanahu wa ta'ala. وكما قيل يقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. Et comme le poète il a dit, la personne sera détruite pendant les épreuves, au point de voir bon ce qui était mauvais et de voir mauvais ce qui est bon. Tout s'inverse pour lui. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول وجزما بالقول في موضع وجزما بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر وهذا دليل عدم اليقين. هذا في المجموع. Et Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah, a dit dans le Mjmou', les adeptes Ahl-Kalam. Ahl-Kalam, c'est un mélange de philosophie grecque et de christianisme. Hein? Ils appellent ça l'école de la scolastique. Donc les gens de, les adeptes de la scolastique sont les personnes les plus versatiles dans leur religion. Ils changent d'une opinion à une autre et d'une croyance à une autre. Ils annoncent une parole avec certitude à un endroit. Et à un autre, ils annoncent son contraire en rendant mécréant celui qui l'a dit. Et ça, c'est une preuve qu'ils n'ont pas la certitude. Et ça, c'est une preuve qu'ils n'ont pas la certitude, comme il a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Wa yaqulu aydan, ay Cheikh l'Islam, man a'rada 'an at-tariqati as-salafiyyati an-nabawiyyati ash-shar'iyyati al-ilahiyya, fa innahu la budda an yadhilla wa yatanaqad wa yabqa fi al-jahl al-murakkab aw al-basit. Dhakara dhalika fi dhar' at-ta'arud. Et Cheikh l'Islam dit aussi dans Dar al-Ta'arud, celui qui se détourne de la voie salafi, de la voie prophétique, de la voie légiférée, de la voie divine, il est obligatoire qu'il s'égare et qu'il soit en contradiction et qu'elle reste dans l'ignorance composée au simple. L'ignorance composée, c'est très grave. C'est-à-dire, prenons par exemple la bataille de Badr, il a eu la deuxième année de l'Égir. Tu poses la question à quelqu'un, tu dis en quelle année il y a eu la bataille de l'Égir, il te dit la huitième année. Non, mais il a eu la deuxième année. Non, il a eu la huitième année, même s'il vole, c'est une chèvre. Même si je la vois voler, c'est une chèvre. Donc ça, c'est une ignorance composée. La personne, il est sur un point, il veut pas en démordre. Là, l'ignorance simple, quelqu'un, il sait pas. Celui-là, c'est facile. Parce qu'une fois qu'il va apprendre, il prend. Mais l'ignorance composée, l'aidan billah, c'est très dangereux pour la religion de la personne. يقول الشيخ خالد فهذه هي الطريقة السلفية لا تناقض فيها ولا ضلال ولا يمكن للعبد المسلم أن يجمع بين الحق والباطل وبين أهل السنة والبدعة فالحق واحد وواضح والضلال كثير وفاضح. الشيخ خالد حفظه الله تعالى dit dans cette voie salafi il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas d'égarement non plus. Et le musulman ne peut pas réunir entre la vérité et le faux, et entre les gens de la sunna et ceux de l'innovation. La vérité est unique, elle est claire, et dévoile. La vérité, elle est unique, et elle est claire. Et l'égarement dévoile beaucoup de personnes, et l'égarement aussi l'égarement فالحق واضح, la vérité elle est claire et les voies de l'égarement sont nombreuses et il dévoile beaucoup de monde. وعن مبشر بن اسماعيل الحلبي قال قيل للأوزاعي رحمه الله إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع, فقال الأوزاعي هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق وبين الباطل. رواه ابن بطة في الإبانة. ابن بطة دو رابورتي دو مبشر بن إسماعيل الحلبي qui a dit, on a dit à l'Auza'i, rahimahullah, un homme dit que je m'assois avec les gens de la sunna et aussi avec les gens de l'innovation. L'Auza'i a dit, cet homme veut mettre à pied d'égalité le vrai et le faux. Cet homme veut mettre à pied d'égalité le vrai et le faux. Et c'est impossible. C'est comme maintenant, si la personne se mélange avec le Moussafiqa. Bakhla, c'est vouloir mélanger entre que le vrai et le faux. Et nous devons y faire très attention. Les textes qu'ont cités nos pieux prédisseurs de Allah alayhim, dans leur recueil, sont là pour nous avertir, pour qu'on les mette en application. C'est pas des choses qu'on lit comme ça pour passer le temps. C'est des choses qu'ils ont dites après une lecture précise de la parole d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam et de la voie sur laquelle étaient les nobles compagnons et leurs successeurs. قال ابن بطة معلقا قال الشيخ صدق الأوزاعي رحمه الله أقول إن هذا رجل لا يعرف الحق من الباطل ولا الكفر من الإيمان وفي مثل هذا نزل القرآن ووردت السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. Et donc ابن بطة رحمه الله commentant les paroles de l'Auza'i رحمه الله, il a dit, Cheikh a dit vrai. Je dis, cet homme ne connaît pas le vrai du faux, ni la mécréance de la foi. Et c'est concernant ce genre qu'a été descendu le Coran et qu'a été rapporté la sunna du messager alayhi salatu wa salam, Et le verset qu'il a cité ici dans la traduction approximative nous dit ceci. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent « Nous croyons ». Et quand ils sont avec leurs shayatines, ils disent « Nous sommes avec vous ». Pour rapprocher ce passage, je vous raconte une réponse qu'a un jour m'a donné Cheikh Ubaid, Hafidhahullah. Il lui dit, on a un jeune avec nous, hein, qui des fois il est avec nous, des fois il est avec les sororis. Il vient là et là. Il a dit, celui-là, c'est comme quelqu'un qui a pris sa tête, qui l'a mis entre deux ondes de radio. Deux ondes de radio différentes. Imaginez quelqu'un, il a pris la BBC à droite et France Inter à gauche. Ça donne quoi dans ce cas-là? Donc la perturbation totale. Parce que ni il va être avec la BBC, ni avec France Inter. On va lui rien capter. Et il sera dans le doute et dans l'hésitation. Hein? Regarde comment la parole de nos pieux aïeuls se ressemble. Parce que la source, elle est identique. Même si les expressions sont différentes, on revient au même point. On revient au même point. Et cela prouve qu'ils sont sur la même source. Le livre d'Allah, la sunna du messager, alayhi salam, selon la voix et la compréhension des pieux prédécesseurs d'Allah, alayhim. يقول الشيخ خالد فمن كان كذلك فإن السلف يحذرون منه ومن مجالسته. قال الإمام محمد بن إسحاق أبو عبد الله بن مندل الأصبهاني طفت الشرق والغرب مرتين فلم أتقرب إلى كل مذبذب ولم أسمع من المبتدعين حديثا واحدا وهذا ذكر في طبقات الحنابلة. شيخ خالد الجي celui qui agit ainsi, c'est-à-dire une fois avec cela, une fois avec cela, hein, il veut unir entre le faux et le vrai. Salaf, avertissez contre cette personne et contre sa façon de faire. Ils avertissaient contre lui. Hein, ils le mettaient à la quarantaine, ils s'en éloignaient. Hein, ils ne s'asseyaient pas avec lui, ils ne restaient pas en sa compagnie. Et regarde, de nos jours, certains parmi nous, ce qu'ils font. Hein? Que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. L'imam, Muhammad ibn Ishaq, Abu Abdillah ibn Mandal Asbahani, a dit, j'ai sillonné l'Est et l'Ouest, et je ne me suis pas rapproché d'un hésitant, et je n'ai pas pris un hadith d'un innovateur. Il a sillonné l'Est et l'Ouest, pourquoi? Pour le tourisme, à Baden. Pour la recherche de la science, deux fois. Hein? Et il ne s'est pas rapproché de quelqu'un qui est hésitant dans sa religion et qui est indécis. Et il n'a pas pris un hadith d'un innovateur. Hein? Et ceci est rapporté dans Tabaqat al-Hanabila, rahmatullahi ala immati al-muslimin. Wa yaqulu samahat Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah, mudhabdhab, laysa indahu thabat, wa laysa indahu basira. بل هو مع من نصر ومع من رأى فيه المصلحة فإن رأى المصلحة مع الكفار صار معهم وإن رأى المصلحة من المسلم مع المسلمين صار مع المسلمين ليس عنده هدف صالح وليس عنده عقيدة ثابتة هذه حال المنافقين نسأل الله العافية وهذا في مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه فسيح جناته. Ibn Baz, rahimahullah, il dit, mudhabdhab, hésitant hada. Celui qui n'a aucune constance, aucune clairvoyance, il est avec celui qu'il fait triompher, et avec celui dans lequel il voit un intérêt. S'il voit l'intérêt avec les mécréants, il est avec eux. Et s'il voit l'intérêt avec les musulmans, il se met avec eux. Il n'a aucun bon but. Il n'a pas une aqida ferme, constante. Et ça, c'est la situation des hypocrites qu'Allah nous en préserve. Hein? Fansallaha an yanfa'ana wa iyyakum bima sami'na. Et on arrête ici, inshallah. Wa subhanak Allahumma bihamdik. Shahadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsan Allah ilkum jazakum Allahu khairan.